Riesling, au niçois qui peu y boit, et pourtant, il me faut vous rappeler que la consommation d'alcool est mauvaise pour la santé et qu'il faut tâcher d'en boire avec modération. Aïe à table ! Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Deux superbes chevreuils, à l'œil doux, ont la chair à tous les parfums de la forêt des lys. Ça, c'est de la bonne viande. Les mots à la bouche. À table, on mange ! Allez, à table ! Les mots à la bouche. Mes chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission des mots à la bouche, et d'autant plus ravi que nous sommes en présence d'Olivier Molin. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore eu le bonheur de lire les romans d'Olivier Molin, sachez que vous en avez déjà forcément entendu parler. Parler, ou plutôt, vous en avez entendu le rire. Rire parce que, et c'est d'ailleurs mon cas, les fous rires sont les premiers effets de la littérature de notre invité. Il n'est pas rare, par exemple, d'entendre éclater de rire une jeune fille dans un métro, et si vous vous penchez un peu, vous apercevrez qu'elle est en pleine lecture d'un bouquin d'Olivier Molin. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Et alors, pour m'accompagner dans le vin et dans la gastronomie, mes chroniqueurs, et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un amoureux fou de la Bretagne, un amoureux fou de Xavier Gral, un érudit tout droit sorti de son cabinet de lecture, Olivier François. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Et bien sûr, j'ai à ma droite notre critique culinaire pour qui le vin naturel coule de source, Théo Torrichilas. Bonsoir Théo. Bonsoir Yves. Alors, pour faire vite, au menu ce soir, une choucroute, évidemment, puisque nous filons en Alsace. Alors, Olivier, rentrons directement dans vos bouquins. Dans vos romans, nous avons souvent affaire à deux personnages aux allures d'aristocrates un peu déglingués, style anti-héros qui ont des boulots absolument impossibles et qui au final en ont ras-le-bol et qui choisissent un échappatoire par le voyage ou par l'alcool ou par la musique. Est-ce que votre littérature est un échappatoire justement ? Est-ce que vous emmerdez royalement dans votre existence ou dans ce qu'on vous propose ? Et la littérature est un moyen de vous tirer du mieux que vous pouvez en beauté. Alors oui, je m'emmerde dans l'existence, mais comme tout le monde, pas plus que les autres. Mais non, en effet, comment dirais-je... Oui, vous avez bien résumé l'ensemble de mes bouquins. C'est en effet souvent... Oh, il y a des choses à dire encore, ouais. Oui, non, mais c'est un bon résumé. C'est des gens, en effet, qui vivent dans un monde dont ils ne sont pas satisfaits, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui, à un moment donné ou à un autre, en effet, décident de prendre la tangente. Oui. Voilà, donc ils se tirent. Ils vont ailleurs, ils vont voir ailleurs. Et toujours entre amis, ouais. ils sont toujours deux à partir, oui, à se soutenir, ils sont souvent à se descendre deux, parfois. Mais disons que l'idée, c'est qu'ils partent pour essayer de créer autre chose, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas la fuite et pas une fin en soi, ça reste un moyen. C'est-à-dire que l'idée, quand même, c'est partir pour essayer de créer ce qu'on pourrait appeler en vérité des contre-mondes. Oui, hein, mais ce sont des sortes de vagabonds. Ouais. C'est des vagabonds, mais qui. Comment dirais-je ? C'est des vagabonds et en même temps, c'est des gens qui aspirent à s'enraciner quand même. Hein. C'est des gens qui aspirent à retrouver une société décente, oui. On pourrait dire comme ça. Une société en tout cas qui n'est pas celle d'aujourd'hui, une société avec d'autres valeurs. Et en fait, je pense que c'est pas fondamentalement... Une fois de plus, le vagabondage et la fuite n'est qu'un moyen, c'est pas une fin. Hein, on parlait tout à l'heure, enfin, au préalable de certains écrivains vagabonds, pour qui le vagabondage peut être une fin. Là, je crois que c'est qu'un moyen. L'idée, c'est vraiment de créer une société, alors totalement idéaliste, hein, évidemment, mais une société dans laquelle ils pourraient faire vivre certaines valeurs qui leur semblent, en tout cas. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, cher Olivier, tes personnages font. Tu parlais de la fuite. Moi, ça me fait penser, alors, pourtant, il n'y a pas de vieux croyants dans tes livres, mais à cette grande geste, cette grande épopée des vieux croyants médiévales, même au XVe siècle, au moment de la condamnation du prêtre à Vacuum. Tu penses aux Russes, là ? Je pense aux Russes, mais il y a peut-être d'ailleurs quelque chose de russe en toi, on le verra. Ces vieux croyants qui ont fui la construction de l'État autoritaire du tsar pour aller s'enfoncer dans les forêts, qui ont vagabondé mais pour se réenraciner dans les forêts, comme disait l'esclave. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a en effet, je crois qu'une, comment dire, une illustration de la plupart de mes bouquins pourrait être ce fameux, effectivement, tu parlais des forêts, ce recours aux forêts, comme hein, dont avait parlé Hans Unger. C'est quoi le recours aux forêts ? C'est un vieux droit germanique. C'est l'idée qui est que quand le monde devient particulièrement insupportable, il y a toujours une possibilité d'un recours aux forêts, c'est-à-dire de partir dans la sauvagerie, de retrouver une certaine sauvagerie, et dans cette sauvagerie, dans ces forêts, de recréer effectivement un monde à sa mesure. Après, Olivier, dans vos romans, il y a aussi, enfin, le départ est pas nécessairement choisi. Parfois, il est passif aussi, un peu subi. Je pense au premier et au dernier, d'ailleurs. C'est ça, oui, ils trouvent des choses un petit peu au hasard. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. En effet, vous avez parfaitement raison. Il y a un côté subi. Après, on ne sait plus quel est le comment dire, entre ce qui est subi et ce qui est choisi, on n'arrive plus trop à savoir, à mon avis. C'est-à-dire que le truc, c'est que c'est des gens qui n'ont pas trouvé leur place dans la société, finalement. Mm-hmm. Hein, c'est aussi simple que ça. Alors, ils ne l'ont pas trouvé. Dans certains bouquins, ils ne l'ont pas voulu, et dans certains bouquins, on ne leur a pas donné, effectivement. Oui. Mais finalement, ça revient au même. C'est-à-dire que les inadaptés, qu'ils soient contraints et forcés, ou qu'ils soient volontaires, c'est ça. Pour moi, ça n'a fait pas une grande différence, quoi. Non, mais c'est vrai que je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui sont exclus de ce monde parce qu'ils n'ont pas leur place, tout simplement. Je pense que ça amène quand même un message, mais en tout cas une vision différente, que le départ soit motivé par l'idée de créer quelque chose, alors que passif et du coup contraint, et qu'on crée finalement quelque chose de la situation qu'on arrive à. C'est-à-dire qu'on dans lequel on est jeté. Un départ contraint va faire en sorte qu'on va essayer de retourner. Vous savez, c'est le grand truc des Chinois. C'est on retourne le truc. On fait de la défense une attaque. Et en fait, on va profiter de cette éjection de la société pour créer son propre monde, finalement. Mmh. Yves de la Fosse. On peut t'appeler Yves Delafosse ici, il n'y a pas de problème. De la foi, oui, ça De la ça foi, parfois. Très bien, ouais. J'ai un ami qui s'appelle Delafosse, c'est pour ça que je me suis un peu trompé. Ouais. Voilà, exactement. Jeune écrivain. Ouais. Pas jeune écrivain, mais bon, ce n'est pas l'émission, c'est l'émission d'Olivier Bollin, donc ne parlons pas de ce cher ami. Ici, Yves Delafosse, il y a une question, parce que vous avez employé le terme aristocrate, qui est un terme important. Ouais, en effet, il y a des aristocrates dans l'œuvre d'Olivier Bollin, mais il y a aussi des gens du peuple. Des gens de la France. Mais le fait qu'ils soient du peuple, justement, ça n'exclut pas le fait mais évidemment, qu'ils soient quand même des aristocrates. Mais bien sûr, c'est là où ils sont. Ils n'ont pas de sang bleu, ils n'ont pas de chevalière, mais c'est là quand même. C'est là où je voulais en venir. Je décèle dans l'œuvre d'Olivier Bollin une ligne aristopopuliste, une sorte de grande jonction entre les énergies populaires et la vieille aristocratie terrienne, une nouvelle alliance en quelque sorte. Alors, ce qui est vrai. Et ce dont je suis absolument convaincu, c'est que, fondamentalement, les valeurs du peuple et les valeurs de l'aristocratie sont les mêmes. C'est les mêmes. Vous regardez dans l'histoire, le peuple a le même souci de son honneur, par exemple, que les aristocrates. Je pense que la vraie rupture, elle se fait avec la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il y a d'autres valeurs qui apparaissent, on va dire vers le XVIIIe siècle, et qui s'épanouissent un siècle plus tard, qui sont les valeurs bourgeoises, qui vont être des valeurs beaucoup plus, fondées sur l'utilitarisme, la vraie rupture, elle est là, si vous voulez. Elle n'est pas entre le peuple et la bourgeoisie, ou l'aristocratie et la bourgeoisie, elle est entre, d'un côté, un bloc qui serait composé, effectivement, des valeurs de la noblesse antique et du peuple, contre les valeurs de la bourgeoisie. Donc ça, oui, c'est... Alors, en l'occurrence, il n'y a pas de véritables aristocrates dans les livres. Au sens où on l'entend, c'est-à-dire. S'il y en a un dans un de mes livres, dans le Bocage à la nage, il y a un vieux noblio dans le bocage. Qui accueille des clodos. Mais parce on a que... le nain espagnol. Ah oui, c'est ça, il y a le nain espagnol, en effet. Le grand d'Espagne. Le petit grand d'Espagne, mais qui est d'ailleurs lui aussi, fondamentalement, il partage les valeurs de tous ces paumés du camping alsacien. Oui, mais il est bouffon et noble en même temps, en fait. Oui, mais c'est surtout que finalement, il prend la tête de la conjuration quand même. Oui, exact. Hein, c'est quand même lui qui devient le chef. Donc c'est... Bon, mais mes chers Olivier et Théo, moi je meurs de soif. Je pense que nos auditeurs ont dû nous entendre en train de nous servir allègrement. Et je crois qu'on va pouvoir passer une petite chronique, car nous sommes en train de boire un Riesling absolument merveilleux. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond. Vous ne méritez pas de boire. Oui, alors effectivement, le Riesling, nous allons en parler tout à l'heure, mais pour commencer, je vous ai d'abord servi, nous l'avons déjà fini, en guise d'apéritif, un pinot noir qui ne vient pas d'Alsace, mais que j'ai choisi en clin d'œil dans la région, car dans la région d'origine de notre invité, plusieurs cépages sont vinifiés, et nous en parlerons, mais c'est dans le vin blanc que s'exprime cette diversité, alors que dans le vin rouge, un seul cépage est autorisé en appellation, et c'est le pinot noir. Celui que nous buvons est produit en Touraine, par Jacques Ypres. Vigneron qui a le mérite d'être sauvé de l'oubli quelques vieux cépages de sa région, notamment le Fier Gris, un membre de la famille du Sauvignon Blanc qui s'est imposé faisant presque disparaître son cousin. Donc Jacques Kipré a aussi joué le rôle de communicant pour son terroir et il faut constater qu'on trouve ces bouteilles un peu partout, mais qu'elles restent jolies et abordables. C'est un domaine vers lequel je vous invite à vous tourner quand vous ne savez pas forcément trop quoi boire pour l'apéro. Ah, ça se boit très bien, ouais. on a pu le voir tout à l'heure. Ouais. Et très abordable, autour de 6 ou 7 euros, la bouteille chez votre bon caviste. Avec la choucroute, nous avons privilégié un classique accord de terroir, comme on dit. Nous avons choisi un vin qui vient de la même région que le plat et on me reprochera peut-être mon manque d'originalité, mais effectivement, j'ai apporté un Riesling. Parmi les 6 cépages blancs qu'on peut travailler en AOP et Alsace, c'est ce plan qui s'accorde le plus traditionnel à la choucroute. Celui-ci est produit par Agathe Bursin, jeune femme née dans les vignes qui travaille aujourd'hui les 4 hectares de l'exploitation familiale selon ses goûts, sans se rattacher à la moindre chapelle mais piochant dans l'agriculture biologique, la biodynamie et l'agriculture raisonnée, des méthodes qui correspondent à ce qu'elle constate empiriquement dans ses vignes. Je n'ai jamais eu la chance de la rencontrer, mais les descriptions que j'ai pu en avoir la présentent comme une femme passionnée, déterminée, amoureuse de son terroir et des vins, déterminée depuis son enfance à produire son vin et ne transigeant pas sur la qualité de ce qu'elle réalise. Elle a créé sa première cuvée en 2000 et plus de 15 ans après, elle est toujours là et vous me direz si vous êtes convaincu par son travail. Et au fur et à mesure que je me renseignais sur elle, je l'associais un petit peu à votre Suzy, cher Olivier, ou en tout cas un de ces personnages de femmes. Suzy, fortes. Dans quel roman hein? La Suzy de des Évangiles du Lac. Des Évangiles du Lac, quand même. En tout cas, un de ces personnages de femmes fortes et passionnées que vous savez bien créer, et j'espère que son vin saura vous séduire. Et j'oubliais, donc on trouve son Riesling chez un bon caviste au prix de 13,80€. Alléluia, merci Théo. Bravo, il faut reconnaître qu'il est très bon. Un petit détail simplement, c'est vous disiez qu'il n'y avait qu'un cépage rouge en Alsace. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un tout petit cépage, mais qui est minuscule, qui s'appelle le rouge de trotte. C'est vraiment minuscule. Le rouge de trotte, en plus, c'est un village, trotte en Alsace, dans le nord. Et autour de ce village, on fait un rouge depuis des temps immémoriaux. Mais c'est vraiment une production très limitée. Je précisais en appellation. Est-ce qu'on est en appellation Alsace toujours avec ce. Est-ce que l'appellation est autorisée avec ce cépage-là? Parce que je sais que d'autres cépages sont vinifiés sur les territoires. Il faudrait vérifier en effet. Et moi, il me semble, mais il faut vérifier, c'est il possible. Me semble que le rouge de Troyes, c'est une appellation. Mais moi, je voudrais quand même dire aussi, pour avoir rencontré Agathe, que en plus de produire du très bon vin, c'est une femme sublime. Eh bien, superbe, je ne savais pas que vous la connaissiez, donc magnifique, j'espère. J'ai pu la rencontrer récemment et je confirme qu'elle est très très jolie. Et malheureusement, c'est le printemps, on ne la voit pas, mais au printemps, Agathe, ça doit être formidable. Ah oui, ça nous travaille tous au printemps. Et alors, pour en revenir à l'autorisation, justement, en lisant La fête est finie, votre dernier roman, il est souvent question d'alambic disséminé dans les fermes où justement ceux qui produisent cet alcool n'attendent qu'une seule chose, c'est l'hiver, parce que la marée chaussée ne peut plus monter. Voilà. Du coup, là, ils produisent à tour de bras. Et donc, l'alcool est assez souvent présent, que ce soit le vin, mais aussi autre chose, que ce soit aussi le whisky, que ce soit le schnapps, évidemment, parce qu'on va assez régulièrement en Alsace. Et en même temps, vos personnages n'ont pas l'alcool triste. Ils ne boivent pas pour oublier. On a plus l'impression qu'ils boivent comme une sorte de un paradis éphémère, une petite fuite, quelque chose du genre. Alors l'histoire du schnapps, c'est parce que moi je viens évidemment d'Alsace. Hein, on va y revenir tout à l'heure. Il est vrai que le schnapps, c'est quasiment, ça a été en tout cas une religion hein, par là-bas. On distille tout, hein, à part les pierres, les racines, les fruits et tout. Tout est distillé. Et c'est vrai que les lois hygiénistes qui depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années n'arrête pas de croître, mettre en péril. Donc il y a beaucoup de gens, et puis il y a la fameuse loi, j'en parle dans le bouquin à un moment donné, vous savez, la fameuse loi de, comment il s'appelait, Mendès France, qui, je crois, c'était lui à son époque, qui avait. Avant, si vous voulez, il n'y avait pas d'impôt, c'est que chacun pouvait distiller, et puis donc, en fait, il a aboli ce droit qu'on appelait. Ce droit divin. C'est pas un droit divin en l'occurrence, mais c'était ce privilège, privilège qu'avait le peuple de pouvoir distiller ce qu'il voulait quand il le voulait et en quantité qu'il voulait. Et alors pour faire passer le morceau et pour éviter la révolution, il a fait ce qu'on appelle ce fameux droit viager, c'est-à-dire qu'en fait tous les gens qui à l'époque, on a les années fin 50, début 60, qui avaient encore ce droit pouvaient en jouir jusqu'à leur mort, mais le droit ne passait pas aux générations suivantes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, parce que les générations suivantes, elles ont commencé à arriver dans les années fin 90, 2000. On est arrivé au truc, c'est que comme les gens veulent pas payer d'impôts, ils distillent en cachette. Voilà, mais ils ont bien raison d'ailleurs. Et donc, vous avez connu vraiment tout ça, ouais, vous? J'ai connu ça dans vos romans. Ouais. Non, moi j'ai connu ça quand j'étais gamin, parce que j'allais beaucoup. Je viens d'une famille alsacienne, mais qui est du côté de ma mère, qui est très alsacienne. Quand j'ai très alsacienne, c'est-à-dire très impliquée dans la vie culturelle et dans l'identité et même dans une certaine forme d'autonomisme alsacien. Et du coup, quand j'étais gamin, on allait beaucoup dans les Vosges alsaciennes et dans les fermes, etc. Enfin, on avait un petit chalet même dans la vallée de Tannes. Oui. Et on connaissait beaucoup de paysans qui distillaient leur gnôle, tranquillement. Est-ce que je pourrais ajouter Théo, juste une question. Non, c'était pour partir sur le vin plutôt, puisqu'on parlait tout à l'heure. Donc là, je parlais tout à l'heure de vin blanc alsacien, et puis un de vos personnages aussi dans Petit Monarque et Catacombe et fils de vigneron, lui-même. Oui, donc, c'est vrai. C'est un domaine que vous connaissez aussi. Alors, moi, en l'occurrence, je ne suis pas fils de vigneron du tout, mais c'est vrai que dans Petit Monarque Catacombe, je m'étais amusé à imaginer mon héros, qui était un fils de vigneron du côté de Colmar, donc là où est vraiment le grand vignoble. Et ça me permettait, en effet, de mettre des scènes qui se passaient dans son vignoble. Et en l'occurrence, ce que j'ai écrit ça il y a ça date un peu déjà maintenant, presque 10 ans, mais il se trouve que le grand-père de mon héros était un des pionniers du vin naturel. Alors, exactement, il y avait une belle défense du vin naturel. Il y avait une belle défense du vin naturel, ça me permettait de parler un peu de ce domaine, mais ça c'était, moi je ne suis pas du tout issu de là, mais ça m'intéressait, et puis ça permettait de parler du terroir alsacien. Comme vous le savez mieux que tout le monde, c'est la seule région de France où on n'a pas des vins de terroir, justement. Exactement. On a des vins de cépage. Oui, pour parler de la place du vin dans ton œuvre et ce que représente le vin pour les personnages, il y a quelque chose, tu as parlé de religion. Et en effet, notamment dans les Évangiles du Lac, mais dans le Petit Monarque et Catacombe, le vin inspire à beaucoup de tes personnages des envolées lyriques et parfois spirituelles. Des hallucinations aussi. Des hallucinations spirituelles. Et c'est vrai que je pense que c'est important d'en parler, car le vin, parfois en France, est assimilé à quelque chose de l'ordre de la bonne chère, mais au sens péjoratif du terme. Et je pense que dans les œuvres d'Olivier Molin, on rappelle que le vin peut être aussi quelque chose qui, une sorte de médiation, d'instrument pour se rendre plus proche des dieux. À ce moment-là, on peut penser aux Lumières du Ciel, notamment où il y a un cochon qui se met à allumer un interrupteur dans le ciel et on voit une scène d'apocalypse incroyable, ou même dans le dernier, la fête est finie, avec un cerf qui se met à parler au héros, qui est sous champignon. Il y a un aspect initiatique. Il y a un aspect initiatique. Il y a deux questions là-dedans. Il y a effectivement la question du surgissement à un moment donné ou à un autre dans certains des bouquins du surnaturel, parce qu'il est là, mais en même temps il est là, il peut toujours être une illusion. C'est-à-dire que moi j'essaye, c'est pas des romans fantastiques que je fais au sens du genre littéraire, mais il y a à un moment donné effectivement des phases d'initiation, des phases, mais il y a toujours la possibilité laissée au lecteur de penser que tout ça n'est qu'une hallucination. Après, pour revenir au vin, un mauvais rêve, etc. Après, pour revenir au vin, et il y a certaines substances hallucinogène. Effectivement, dans la trilogie que j'avais écrite, donc En attendant le roi du monde, Les Évangiles du Lac et Petit Monarque Catacombe, il y avait en effet, qui sont des romans les plus dionysiaques en fait de ce que j'ai fait, il y avait effectivement ce côté où le vin sert non seulement, n'est pas que là pour faire passer une bonne soirée à des amis, il sert effectivement à appréhender un autre monde, et il sert à rentrer dans une réalité qui est autre, une réalité que l'absence de vin ne permet pas peut-être d'appréhender. Donc, qui permet une certaine sensualité aussi, parce qu'il y a une approche des femmes, justement, qui, dans votre premier roman, justement, ils partent au Portugal, et le héros réussit à séduire des femmes une fois qu'elles ont picolé, et elles se mettent à faire des choses assez étonnantes. Elles se mettent à aboyer, elles se mettent à s'animaliser à outrance, et là, elles gagnent presque en épaisseur, en caractère et en folie aussi, et là, deviennent attirantes. Mais parce qu'il y a notamment dans le premier, en fait, tout le premier livre est bâti autour d'un personnage qui se croit chaman. Conséquent va établir. Qui est grutier à la Fernand Léger. C'est grutier mystique. C'est grutier qui est chaman et qui par conséquent va imposer ses rites à ses amis, notamment aux filles. Alors après, c'est toujours pareil, la question de Lucien dans le premier roman, on peut penser que c'est un escroc qui veut juste. choper des jolies filles. Et on peut penser aussi que c'est quelqu'un qui veut accéder par la sexualité et par l'alcool et par d'autres choses à une dimension sacrée. Oui. Mais la porte est ouverte. Enfin, je veux dire par là que moi, j'impose pas une vision, vous voyez, totalement arrêtée. Tu n'écris pas de roman à thèse. Ça, c'est une certainement pas. Non, certainement pas. Ni thèse ni message. Et dans vos romans, il y a la musique qui est très très présente. Et alors justement, on va passer à la première pause musicale, ce qui va nous laisser le temps d'apporter la choucroute sur le plateau, et nous allons écouter une cantate de Bach. chroniqueur Théo. Nous sommes toujours sur les mots à la bouche avec Olivier Molin et en chroniqueur Théo Torricillas et Olivier François. Et nous venons d'écouter une sonate, une cantate de Bach. Dites-nous en plus, Olivier. C'est la cantate. C'est la, une des rares cantates profanes de Bach. Qui a été composé en 1727 ou 28, je crois, oui. Lors de la mort de Christiane Emmerdin, qui était la grande électrice de Saxe, qui était très populaire dans ce pays, en Saxe, parce que lorsque son mari a été nommé roi de Pologne, et qui s'est donc converti au catholicisme, elle a refusé, elle est restée protestante, et donc elle était très admirée de son peuple, et quand elle est morte, ça a fait une grande tristesse, et Bach a composé cette cantate. Ça s'appelle Trauer Ob et qui est effectivement magnifique. C'est une cantate funèbre en fait, mais qui est magnifique. Mais Bach, ce n'est pas que de la tristesse. Je vais lire un court passage justement de La fête est finie, où on parle de l'ami Totor qui est un dingue de Bach et qui dont le fantasme est de pouvoir écouter ça absolument toute la journée avec des enceintes énormes. Écoutez, ses yeux se sont mis à pétiller. Il se marrait carrément de plaisir anticipé. Il pouffait, mettait la main devant la bouche. Écoutez Bach allongé sur un matelas pneumatique flottant sur l'eau, allez savoir pourquoi, c'était sa définition la plus chimiquement pure du paradis. Est-ce que c'est la vôtre également, Olivier? Oui, est-ce que c'est la choucroute? On vient d'attaquer la choucroute. On attaque la deuxième bouteille de Riesling. Donc écoutez-nous bien, parce que la fin de l'émission sera inaudible. Et... Quand j'ironise comme ça sur des personnages de débiles qui rentrent en extase, en écoutant Bach, en vérité, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, je ne me moque pas du tout parce que, en fait, je parle de moi. Ah oui, mais parce que vous en parlez souvent de la musique classique, justement. Oui, donc déjà, on voit que vous avez une connaissance vraiment approfondie. Non, je n'ai pas une très grande connaissance, en vérité, mais j'ai une. Comment dire. Quand j'écoute certaines musiques que j'aime, en tout cas, il y a toutes les défenses qui tombent et je me sens comme un simplet. Oui. Je suis dans l'optique d'un simplet. Vous sentez comme un totor. Comme un totor. Il n'y a aucun aspect, comment dire, aucun intellectualisme. Aucune théorie, aucune. C'est juste la musique. C'est pas une activité culturelle pour toi. Pas du tout. C'est quelque chose de charnel. C'est quelque chose de. Et c'est surtout, pour moi, en tout cas, la musique, c'est l'art des arts, quoi. C'est très. C'est l'art premier pour vous. Oui, pour moi, c'est de loin. C'est l'art qui sublime tout. Mais et c'est quelque chose qui me désarme complètement, mais qui me donne même pas envie d'essayer de d'écrire ou là-dessus ou de comprendre. Enfin, quand je dis d'écrire, souvent j'ai des personnages qui écoutent la musique. Et quand ils ressentent une extase, j'essaye de m'inspirer de mes propres extases et de la mettre dans leur bouche ou de leur faire vivre l'extase que je vis. Oui, et oui. Voilà, y a pas, j'essaye pas de et comprendre. Et c'est musique classique du coup, exclusivement musique classique Moi ça peut aller sur le jazz, on parlait de métal avec Romaric Sangar. Pas du tout, non, alors moi vous savez, j'ai passé une jeunesse à faire semblant d'aimer la musique. Ce qu'on appelle la musique pop, quoi. C'était en quoi, années 80, du coup, c'est ça? Ouais, vous pouvez rajouter une décennie, quand même. Hein. Ouais. C'était plutôt dans les années 90. Et au lycée, quoi, où, vous savez, les trucs des lycéens, t'écoutes quoi comme musique, etc. Et moi, je faisais semblant. Alors, j'écoutais un peu à l'époque. Il y a des trucs qui me plaisaient, cela dit. Mais j'ai jamais, notamment le Sister of Mercy ou des trucs comme ça, qui me plaisaient bien. Mais j'ai jamais été un fan de ce genre de musique, et j'ai fait semblant. Et en fait, par une... forme de bêtise, parce que mon père écoutait beaucoup de musique classique, et j'ai estimé très longtemps que c'était une musique de bourgeois condamnée absolument, et donc je me suis coupé de cette musique volontairement à l'adolescence, et je l'ai retrouvée seulement vers 35 ans. D'autant que la musique classique n'est pas une musique de bourgeois. C'est-à-dire que c'est les conneries, de toute façon, parce que si c'est aux bourgeois, il faut leur prendre, il faut leur voler, il faut leur reprendre, voilà. Donc c'était pas du tout un argument. Mais c'est vrai que je me suis coupé de cette musique, et j'ai découvert à 35 ans que, et il n'y a aucune pause, il n'y a aucun, je vous répète, mais c'est que la seule musique, effectivement, qui me touche, c'est ce qu'on appelle la musique classique, ou en tout cas ancienne, quoi. Ouais, on va repartir sur des considérations un peu plus triviales, mais tout aussi succulentes, avec Théo, pour avoir une chronique... sur la choucroute, et je vois qu'Olivier François a déjà fini son assiette. Encore. On y va. Allez, on mange. Allez, à table ! À table, on mange ! Alors, allez, à table ! À table, encore, à table ! Oui. Cher Olivier, depuis que nous nous connaissons, parce que nous nous connaissons un peu, nous avons partagé quelques tables, et au moins autant de comptoirs. On a dégusté les hors-d'œuvre gourmands d'Yves Candebord à son avant-comptoir, justement, dont il a ouvert deux autres exemplaires cette année, et je n'y ai pas retrouvé le charme de celui d'origine, mais c'est sans doute dû à mon passéisme et à ma nostalgie précoce, on va le supposer. Nous y vidions des bouteilles, ou des magnums même, de vin naturel que je découvrais alors et dont je ne me passe plus. Nous avons aussi commandé le fameux carnaval d'Antioche chez votre ami Barak. Ce formidable festin de viandes diverses qu'on engloutissait pour faire durer les cercles cosaques que vous avez organisés avec Romaric, comme nous avions vu à la dernière émission. On buvait du vin grec ou de l'ouzo en parlant littérature. Cela ressemblait un peu à ce que nous faisons tout de suite, si on y pense. Nous avons évoqué cette soirée lors de l'émission précédente, mais nous avons aussi expérimenté une fondue chinoise sur le boulevard de Belleville. Une fondue chinoise, il va falloir que vous nous dites un peu plus. Hein. Alors, je ne pourrais pas vraiment pousser très très loin l'analyse gastronomique parce qu'elle nous a poussé jusque tard dans la nuit après moult bouteilles de vin rouge douteux et dont la saveur n'importait plus. Mais nous n'avons jamais mangé de choucroute ensemble. C'est une première dont je me réjouis. Et si je raconte ces soirées et ces repas, c'est pour insister sur l'importance principale de la gastronomie, la notion de partage. Nous n'avons pas joui chacun de notre côté devant des assiettes millimétrées, nous nous sommes fait passer les plats. Les couverts ont sonné sur le métal des saladiers, sur la faïence des assiettes, nous avons rompu le pain et saucé allègrement. Et les plats de terroir, porteurs d'une histoire ancrée dans un territoire comme peut l'être la choucroute que nous mangeons ce soir, invitent plus facilement à ce partage, à cette simplicité, à cette camaraderie, pour lâcher le mot. Dans vos romans aussi, on mange, on baffre même parfois. On retrouve régulièrement des figures d'aubergistes plutôt généreux sur les portions, et je pense particulièrement aux Évangiles du Lade dont on parlait tout à l'heure, où les spécialités alsaciennes sont dévorées par les locaux en regardant les deltaplanes se cracher sur la montagne. C'est une des forces de vos romans. On aimerait vivre les scènes qu'on lit, et personnellement, je m'attablerai volontiers avec vos personnages. Merci Théo, merci. Alors moi j'aurais une petite phrase justement pour clore ça, et qui est une phrase justement d'Olivier Molin tirée de son dernier roman. Celui qui ne compte que sur Picard et les petits pois surgelés pour se nourrir verra son avenir s'assombrir beaucoup plus rapidement que celui qui sait tuer et dépecer un chevreuil. Alors ça c'est mon côté, comment dire, un peu... Parce côté que survivaliste, ouais, un petit voilà, peu. Ouais. Le dernier roman est un peu survivaliste, si je joue aussi de ce code survivaliste qui est apparu il y a quoi, une dizaine d'années. Hein. Mais effectivement, c'est parce que l'idée du roman en deux mots, c'est quoi? C'est des gens qui se réunissent en Alsace, enfin qui se retrouvent en Alsace, qui sont convaincus que la société telle qu'on la vit aujourd'hui va s'effondrer, et que par conséquent, cet effondrement va pas être, comment dire... C'est amusant parce que... Sans coger les dommages. Ce que tu dis sur les petits pois me fait penser à un slogan d'écologistes espagnols assez radicaux dans les années 80. Slogan disait, bon de L. Slogan, quel horrible mot d'ailleurs. Enfin, un mot d'ordre où il disait, si tu conduis ta voiture, tu mangeras du pétrole. Voilà. Mais disons que, non, ce qui est intéressant, c'est que... alors après, je vous dis, je tire, parce que dans le dernier moment, je joue un peu sur cette idée survivaliste. Enfin, je la questionne en tout cas. Oui. Et il est vrai que on a l'impression aujourd'hui que tout va bien. On vit dans une grande ville, une agglomération de 10 millions d'habitants à peu près, Paris. Un Disneyland géant, mais avec des supermarchés qui sont acheminés tous les jours. Enfin bon, mais il faut imaginer que s'il y a une crise monstrueuse et que si, comment dire, les communications en France sont coupées, enfin, une ville comme Paris, il faut imaginer que si les supermarchés sont plus achalandés en trois jours, les gens tue pour un beefsteak. Ouais, ouais, donc, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à trois jours du chaos, mais on ne le sait pas. Et tant que ça avance, tant mieux d'ailleurs. Et donc, je m'amuse de ça dans des romans, et donc, mes personnages vont se réfugier à la campagne, et à côté d'un ruisseau, avec des armes, en se disant, effectivement, si, en cas de coup dur, on aura toujours de quoi chasser. Des armes et des jolies filles aussi. Oui, des jolies filles. C'est quand même assez pratique d'avoir un Browning, mais aussi une jolie fille de 18 ans. Tant qu'à faire, si vous voulez, le romancier est souverain. Le romancier. Oui, ou de 25, quoi. Le romancier est souverain, c'est-à-dire que. J'aurais pu imaginer passer. Comment dire, que mes personnages passent leur vie dans un camping avec une dondon, mais c'est quand même plus marrant voilà, qu'ils soient avec une jeune dondon fille, qui se baigne dans la rivière. Mais alors, dans un canal à peu près similaire, on a Pierre Rabhi en ce moment, dont on entend beaucoup parler, et qui a une déclaration dont beaucoup parlent en ce moment, disant que les citadins étaient justement très courageux de manger ce qu'ils mangent dans leurs assiettes, et que s'ils le savaient vraiment, ils mangeraient tous des attaques cardiaques en vitesse, et que là ils reviendraient aux forêts, ils reviendraient à une nourriture tout à fait différente. Et puis tout s'effondrera. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Pierre Rabhi, mais je suis persuadé, mais avec beaucoup d'autres, qu'en effet, si les gens ouvraient les yeux, ne serait-ce qu'une ou deux secondes, tout s'effondrerait. C'est-à-dire que toute l'illusion de notre vie s'effondrerait. Du coup, on ne trouve aucun plat picard dans votre frigo, Olivier? Dans mon frigo à moi. Oui, non, c'est si on peut en trouver, bien sûr. Mais vous savez, moi, je vis avec les contradictions de mon époque. Parce que vous êtes un citadin quand même. Vous êtes. Bien sûr, je suis un citadin. Alors, j'évite. Un Parisien d'Alsace. C'est ça. Je suis un Alsacien exilé à Paris. De Paris plutôt. Un Alsacien de Paris. Oui. Je suis né en Alsace quand même. Mais bon, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les contradictions de mon époque, je les vis évidemment. Après, évidemment, j'essaye de pas bouffer Picard. J'ai des enfants. On essaye avec ma femme de leur faire de la bouffe la plus convenable. Mais il peut m'arriver de bouffer une pizza Picard, hein, rassurez-vous. Oui, et par rapport à l'Alsace, justement, vous y revenez, je crois, vous y revenez d'ici peu. Et vous avez, quel est votre rapport? Il est littéraire avant tout, cette Non, il n'est pas charnel. Il n'est pas littéraire du tout, il est charnel. C'est-à-dire que moi, je viens de là-bas, j'ai gardé... Familial, du coup? Oui, j'ai ma famille là-bas, et puis c'est ma... C'est ma petite patrie, comme on disait avant, quoi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de plaisir à y aller. L'Alsace compte vraiment pour moi. Mais elle compte, je m'en rends compte avec l'âge. Elle compte beaucoup plus que je l'ai cru pendant longtemps. Je dis pas qu'elle compte comme un vieux con qui se lamente de... Mais elle compte, en fait, même dans ma... Je pense, dans mes romans, dans mon écriture, Petite patrie. Mais cette petite patrie peut avoir aussi un sens un peu péjoratif. C'est aussi, toi, l'Alsace, la patrie du rêve. D'un côté, il y a la France, où on paye ses impôts, et il y a l'Alsace, pour toi, où c'est le rêve de la forêt aussi, du recours aux forêts, peut-être. Oui, sachant que... on rentre dans un débat qui est extrêmement complexe, parce que je connais bien en Alsace, du rêve. Le débat entre... Il y a très peu d'indépendantistes dans l'Alsace, mais il y a quand même beaucoup d'autonomistes, et soit en Corse aussi, etc., en Bretagne, c'est ce rapport à la France. Moi, ce que j'essaye de faire, personnellement, c'est de ne pas opposer la France et l'Alsace. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'il y a un chemin là qui est très... C'est-à-dire que moi, en même temps, il y a un certain régionalisme anti-français qui m'emmerde. Aussi. Moi, j'écris en français. Très honnêtement, ma langue, c'est le français. Je suis français, en vérité. Après, l'Alsace, c'est un piment, c'est un petit plus. Moi, je sais que, par exemple, que je fais beaucoup mon marché dans le dialecte alsacien, que je transcris en français, évidemment, mais dans la façon dont mon personnage parle, souvent, je puise... L'alsacien est une langue absolument... Une langue de paysan, donc une langue extrêmement imagée, une langue à mourir de rire, très scatologique, très... Bon. Mais je puise là-dedans des expressions que je mets dans la bouche de mes personnages. Oui, qu'on retrouve beaucoup, oui. Voilà, mais du coup, c'est une épice. Mais le truc, c'est pour ça que je dis, il y a la grande patrie, et il y a la petite patrie. Et il faut articuler les deux, et c'est possible. Tu parles de la langue, ça c'est très important, sur la langue, puisque tu m'avais dit à plusieurs reprises, et ça se voit dans tes romans, qu'au fond, la langue française que tu goûtes, c'est davantage celle de Scarron, de Talleyrand des Réaux et de Rabelais, c'est vrai, plutôt que de celle de l'académisme XVIIe siècle, même s'il a ses beautés. Et donc une langue un peu plus imagée, un peu plus picaresque. Le truc qui est vrai, c'est que moi, par exemple, moi je suis rentré en littérature, j'ai une formation d'historien à l'origine. Pendant des années, comme un con, quand j'étais plus jeune, je lisais pas de romans, je trouvais que c'était du temps perdu, je n'étais pas du tout un littéraire. Et je suis rentré dans la littérature par le Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est en découvrant des farces médiévales, en découvrant les grands textes littéraires du Moyen-Âge, que je suis rentré en littérature. Et c'est vrai que cette langue, elle reste pour moi une nostalgie inouïe. Cette langue médiévale, qui est une langue beaucoup moins précise, évidemment, qu'elle le sera par la suite, qui est une langue beaucoup plus riche aussi. Hein, le vocabulaire, Malesherbes a coupé dans la langue et a saboté 300 000 ou 400 000 mots. Hein, faut quand même le savoir. C'est-à-dire que c'est une langue beaucoup plus riche, beaucoup moins précise, mais qui permet d'exprimer... Bon, moi, cette langue, effectivement, c'est vrai que j'en ai une nostalgie. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas la grande langue, évidemment. Même récemment, la collection Bouquin a réédité... comment s'appelle ce grand pamphlétaire du 18e siècle, Rivarol, c'est une langue magnifique. C'est une langue magnifique. Mais c'est vrai que... Mais on a eu tendance, par contre, à enfermer la France dans cette langue classique. Oui, voilà. Et à oublier jusqu'au XXe siècle. À oublier qu'effectivement, dans les marges, il y avait des langues plus vivantes, entre guillemets, plus charnelles, plus bon. Et moi, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai retrouvé un peu dans l'alsacien, et en tout cas l'alsacien transcrit, parce que j'écris en français, mais j'ai retrouvé effectivement cette forme un peu sauvage d'une langue pré-rablaisienne ou pré-rablaisienne, quoi. Mais c'est des choses que vous retrouvez aussi du coup dans la langue populaire, en fait, dans l'argot qu'on va retrouver. Vous a associé parfois à Audiard ou à Marcel Aimé, c'est des gens qui puisent dans le langage du peuple, Moi après je fais pas mystère d'écrire plutôt dans une langue qui est pas une langue académique, qui est une langue assez malmenée, qui est l'argot volontiers. Après l'argot, je pense que mon maître, ça reste Céline. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier ce que disait Céline. L'argot, c'est comme de la cannelle. Oui. Que dans un plat ou de la cannelle ou une épice, hein, il faut parsemer, il faut mettre un peu. Ouais. Si vous en mettez trop, ça gâte le goût. Ouais, plus Céline que Saint-Antonio. Ouais, ouais. Céline que Saint-Antonio. Donc. Ça fait faux. Ouais. Oui, plus Céline que Simonin. Ouais, voilà. Plus Céline et surtout que, en effet, que Simonin. J'adore Simonin, mais Simonin aujourd'hui c'est illisible. Si vous regardez Simonin aujourd'hui, c'est illisible. Il y en a quelques-uns qui c'est sont que de l'argot des années 50. C'est Luc Lafouti. Saint-Antonio, j'aime bien Saint-Antonio évidemment, mais pareil, c'est trop, c'est trop. Je pense qu'il faut effectivement, il faut agir avec élégance dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même. Et puis moi, ce que j'adore, enfin, dans la littérature, c'est aussi de pouvoir passer dans le même texte d'un moment très écrit. Mmh. D'un moment très écrit, voire un petit peu suranné, un peu élégant, etc., à un moment beaucoup plus populaire, beaucoup plus vert, etc. Voire trivial. Moi, j'aime bien ce côté, comment dire. Je pense que l'argot pour l'argot, c'est vite écœurant. Quoi. C'est vite saoulant et ça sonne faux. Ouais. Ça sonne faux. Voilà. Mmh. Alors qu'un Audiard, justement, sonne très bien. Vous aimez Audiard, j'imagine, vous regardez Audiard, des films. Oui, mais Audiard, c'est un dialoguiste hors pair, évidemment. Un dialoguiste hors pair, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Audiard ? Rien. C'est formidable. Et là où il est bon, c'est qu'il a écrit des romans, je crois, qui sont très bons. Il a écrit des romans qui sont pas si bons que ça. Ah oui, parce qu'on a un copain à la régie là, qui me parlait des romans d'Audiard en disant oh, j'ai découvert une pépite. Non, c'est très bien. Audiard a un talent. Audiard a commencé au fleuve noir. Il a commencé au fleuve noir. Les dialogues, après, ça dépend lesquels dans le scénario. Les films qu'il a réalisés, je parle. Ah non, pas forcément à la hauteur des dialogues. Qui n'ont pu écrire. Ils font des films un peu bâclés, sympathiques. Non, je pense vraiment un grand dialoguiste. Comme des pamphlets, par exemple. Et c'est vrai que non, mais je dis ça, mais moi, j'avais lu effectivement des premiers romans. Parce qu'il a commencé au Fleuve Noir, juste après-guerre, Audiard. Il a commencé une carrière de polardeux, quoi. Et puis rapidement, il a été happé par le cinéma. Moi, j'ai quand même l'impression, mais je peux me tromper, qu'il était vraiment dans son rôle en dialoguiste, quoi. Et il a réussi à incarner des personnages. Et là où il est très fort, c'est que c'est pas seulement les personnages principaux, c'est les seconds rôles. Chaque second rôle, chaque petit serviteur, il va lui coller une réplique qui va tout d'un coup fonder le. Alors évidemment, ce qu'on reprochait certains, c'est d'être un cinéma très littéraire, très écrit. Mais moi, en l'occurrence, je trouve qu'il est formidable, bien sûr. Olivier, on va repartir outre-Rhin et on va partir pour la deuxième pause musicale que vous nous avez conseillée. On va partir sur du Schubert et sur une sérénade dont on parlera juste après. Jedes weiche Herz, lass Vous êtes toujours sur Webset Radio, dans les mots à la bouche, avec Olivier Molin. Et nous venons d'écouter un lied de Schubert intitulé Stanchion, ce qui veut dire en français sérénade, sur un poème de Ludwig Reichstab, un poète allemand du 19e siècle. Donc on reste toujours sur la musique classique, et moi je dérive et je pars sur les copains, parce que justement la musique classique, dans certains romans, c'est une musique qui renforce les liens entre les copains. Et on a eu Romain Sangars il y a 2 semaines maintenant. Qui est un copain d'Olivier d'ailleurs. Qui est un copain d'Olivier justement, j'y viens. L'amitié est présente dans vos romans. À vous voir, je suis persuadé qu'elle est largement présente dans votre vie et qu'elle a une part importante. Et vous avez fondé avec Romaric le Cercle Cosaque. Il nous en avait touché 2 mots, pas plus, malheureusement le temps touchait à sa fin. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus justement, pourquoi le Cercle Cosaque, pourquoi les Cosaques, pourquoi... Alors, en fait, ce que je vais vous raconter, c'est très simple, c'est que il se trouve que je, dans le 10e arrondissement de Paris, rue Sambre-et-Meuse, j'avais un vieux copain que je connais depuis 20 ans, qui est un Turc exilé à Paris, qui a été communiste dans sa jeunesse, qui a fait de la prison en Turquie, qui a réussi à s'échapper, bref, qui a eu une vie assez... Une vie à la Panaïti Strati. Ouais. Exactement, une vie assez, assez mouvementée, et qui avait un restaurant formidable, c'est sa femme qui cuisinait, donc c'est pas un kebab. Hein, celui-ci, chez Barak. Chez Barak, ouais. Très bon restaurant turc. Et puis, il y a quelques années, il a acheté à côté un local, c'était des Chinois qui faisaient des jeans, enfin bon. Et il a racheté un local et il a fait un bar. Et puis un jour, quand il inaugurait ce bar, j'ai dîné avec Romaric et d'autres amis, et on s'est dit, tiens, le bar, je sais pas, nous plaisait, enfin, il y avait une forme qui nous plaisait, on s'est dit, on devrait faire un café littéraire. Oui. Et puis on a lancé l'idée, et puis il se trouve que, comme souvent, les idées sont lancées, sont pas tenues par la suite. Celle-là, on l'a tenue. Voilà, on a commencé à... Un café dada, un café... Un café, non. En fait, l'idée, c'était vraiment de faire un café littéraire. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, ce sera que les copains qui vont venir, mais ce sera très bien. Et donc, on a invité un premier auteur qui était François Taillandier. Et alors, à l'époque, on avait dit ça à 2-3 potes. Et ouais. Puis, première soirée, il y avait 100 personnes. Ah bah 100 personnes, c'est et là on s'est dit si c'était 100 copains en plus. Non, justement, c'était pas que des copains, donc il y a eu un bouche à oreille, ouais. Et donc on s'est dit, tiens, là, ça veut dire qu'il y a quand même... Et donc voilà, à partir de là, pendant 4 ans, on a fait tous les premiers jeudis du mois, on invitait un auteur pour parler de son œuvre, mm-hmm. de ses bouquins, quoi, et on invitait parfois des gens aussi pour parler d'auteurs morts. Moi j'aimais bien faire du patrimoine, ouais. Romaric préférait faire du vivant, ouais. On s'équilibrait. C'est votre différence d'âge, voilà. qui vous fait voir les choses différemment. C'est vraiment lié à des questions de nature. Moi, je dis pas que je me tiens pas au courant de la que je préfère de la littérature d'aujourd'hui, mais j'aime bien la notion de patrimoine, quoi. Moi, je trouve qu'il y a tellement d'écrivains morts qu'on a envie de faire connaître, que j'aime bien cette notion de patrimoine. Ouais, on va y venir. Et donc, on a fait ça pendant 4 ans, et puis après, ça c'est un peu bon. Aujourd'hui, c'est plus ou moins en sommeil, c'est-à-dire qu'on continue à le faire. Mais vous avez eu quand même une soirée il y a pas très longtemps. Oui, il y a pas longtemps. On a fait une soirée avec Lakis Progidis de la télé du Rock qui parlait de Rabelais, non, c'est ça, on a invité Lakis Progidis, qui est le celui qui dirige la fondateur et le directeur de la revue du roman, et il a fait un essai sur le qu'un essai en fait de esthétique sur le roman, et après lui le roman commence avec Rabelais, bon, et donc on l'a invité pour parler de cet essai qui est un essai d'ailleurs aussi autobiographique, où il revient sur sa découverte de la littérature quand il était en prison en Grèce. Exactement, c'est un très bel essai. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Guillaume de Roux, comme l'atelier du roman, voilà. Aujourd'hui. Exactement. Il faut quand même dire un mot là-dessus, parce que l'atelier du roman était pendant des années financé par Flammarion. Flammarion qui appartient à une holding qui a dégagé, je crois, en 2015, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et qui a estimé que l'atelier du roman était trop cher. L'atelier du roman, ça leur coûtait 10 000 balles par an, quoi. Donc ils ont lâché l'atelier du roman, ce qui dit tout de l'époque, quand même. Hein. Ouais. Et c'est un éditeur, ce serait pas l'insulter que de dire qu'il est un peu Fauchemann. Enfin, je veux dire, par là, qu'en tout cas, il est pas, il roule pas sur l'or, quoi. Ouais, et c'est lui qui a repris. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est pas, on s'en fout, Flammarion, tout ça, c'est pas important, mais ce qui est intéressant, c'est que ça dit beaucoup de l'époque où finalement, on se rend compte que tout doit être rentable. Et même une revue littéraire comme l'Atelier du Roman qui ne peut pas être alors rentable. Alors que la littérature n'est pas rentable. Au moment où Philippe, Akatos, Traskar Kapak, ça ne peut pas être rentable. Moi, l'impression que j'ai, c'est que. Ça ne pas suffisamment. Si vous voulez, il y a eu une époque quand même. On va dire pour simplifier les 30 glorieuses, mais c'était vrai avant aussi. Il y avait des pas quand même où il y a des éditeurs qui. Qu'un éditeur cherche à faire du fric, on pourra jamais jeter la pierre. C'est normal. Ça reste un commerçant. Mais il y avait quand même ce qu'on a vécu, enfin ce que j'ai vécu moi en tout cas, parce que je suis un peu plus âgé que vous, mais il y avait quand même des éditeurs qui faisaient. Et je dis pas forcément de la merde, mais qui faisait des choses, des livres commerciaux, et dans les livres commerciaux, faut pas non plus il y a des trucs bien parfois, il y a aussi de la merde, il y a les deux, mais qui faisait des livres commerciaux qui ramenaient de l'argent, mais cet argent, ils l'investissaient pour, parce qu'ils avaient encore le souci du catalogue, quoi. Ouais. Enfin, les livres commerciaux, c'était Joseph Kessel. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, moi je suis pas non plus pour les trucs. Grands livres, du coup, ça, c'est quand même pas incroyable. Ah bah, absolument. Et alors, justement, en parlant de Kessel. Je suis pas pour dire que. Tout livre commercial n'est pas de la merde non plus. Faut pas. Non, ce serait absurde de dire ça. Il y a des livres commerciaux qui valent le coup. Mais peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je termine juste là-dessus, parce que c'est quand même intéressant, c'est qu'on sent aujourd'hui que l'évolution, elle va dans le sens que et c'est vrai chez les grands éditeurs, ce qui est quand même, et même chez les éditeurs qui sont théoriquement en charge du patrimoine. Je pense à Gallimard. Oui. Gallimard, c'est son rôle, mais c'est pas écrit, hein, mais c'est quand même le patrimoine. Ils ont un tel fonds. Mais même eux, on sent que. Ah, sans garde, tu nous as parlé justement de la pléiadisation de Dormesson qui l'a mis en rage. Ouais. Oui, ça l'a mis en rage, il a raison. Mais il y a ça, mais il y a pire. Il y a aussi le fait que la correspondance Chardon-Morand a été interrompue au bout de deux numéros, alors qu'il y en a trois prévus, parce qu'il n'y a pas assez de financement. Ça coûte quoi? Ça coûte 5000 balles, un truc comme ça. Mmh. Pour Gallimard, c'est des peanuts. Donc le problème, il est pas Gallimard. Ou réédité d'ailleurs ce grand écrivain breton de langue française qui était Henri Pollès, qui avait repris Dimitrievitch à l'âge d'homme. Et Sophie de Tréguier, c'est quand même un grand livre, et c'était chez Gallimard. C'est Gallimard. Et le problème aujourd'hui, c'est que voilà, le vrai problème, c'est pas une fois de plus, hein, c'est pas les éditeurs nommément, c'est qu'on est dans une course. Petite révélation quand même. On est dans une course à, comment dire, à la productivité, et on sent que chaque livre aujourd'hui doit être rentable. Voilà le problème. Olivier François, écoutez, Seigneur, je suis de Petite-Bretagne, me voici, mon havresac est lourd de rimes, de chagrins et de larmes. Il faut que je m'en souvienne, ça vous évoque quelque chose, je crois. Bah, ça m'évoque Xavier Gral, évidemment, le grand Xavier Gral. J'étais d'ailleurs sur ses traces. Oui, en Bretagne. Oui, il y a quelques semaines, enfin, il y a quelques jours. Et vous avez un briquet Lokirek absolument splendide. Alors, Lokirek est un peu breton. Non, malheureusement, Lokirek est un peu décevant aujourd'hui. Lui était du côté de Pont-Aven. Et j'étais dans le Trégor. Donc, peut-être davantage dans les lieux où a vécu son ami, son grand ami Glenmore. Oui, son grand ami Glenmore. Il avait un grand ami peintre aussi, dont j'ai oublié le nom. Gonzalez. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était l'école de Pont-Aven. Mais j'aimerais faire une révélation quand même à nos auditeurs. Dites-nous. Puisque on peut reprocher une chose à Olivier Molin. C'est de ne pas avoir parlé de la brigade du goût et du couronnement. Oui. Ah, exactement. Mais il nous reste du temps, on y va. Et voilà. On en a un peu parlé avec Romaric Sangard de son couronnement. Et ce couronnement a été important, le renouveau de quelque chose. Il se trouve d'ailleurs, Le roi de Montmartre, hein, c'est ça. Il se trouve d'ailleurs, prince des poètes et roi de Montmartre. Voilà. En exil. Il se trouve d'ailleurs qu'il y a quelques jours, puisque c'était un 9 avril, cela faisait, je crois, 400 ans que Pétrarque, plus de 400 ans, que Pétrarque avait été couronné prince des poètes. Donc tu vois, tu es à la suite de Pétrarque. Et en effet, en 2009, nous avions couronné avec ces brigades du goût, qui est un peu en dormition, hein, comme disait l'autre, mais toujours active, mystérieusement, dans certains cafés parisiens, ou dans certains cafés bretons du Trégor ou du Léon. Quoique le Léon étant peut-être un peu trop clérical, il y a moins de cafés qui célèbrent Olivier Molin que dans le Trégor. Mais voilà, parle-nous de ce couronnement, parce que ça a été un moment important. Cher prince, avant ça, rendez-nous la vue. Et lisez-nous un poème. Voilà. Ah oui, je vais vous lire un poème. Ouais. Alors, c'est un poème qui risque de plomber un peu l'ambiance. Oh, au point on en est. C'est un poème très drôle. C'est pas très grave. On arrive à la fin des bouteilles de vin, donc je crois que ça va aller très bien. C'est un poème de Pessoa. Je vais essayer de vous le retrouver. Il n'y a pas de nom. Si je ne me trompe pas, c'est Fernando Pessoa. Qui a écrit sous divers pseudonymes, comme vous savez. Et c'est un poème traduit. Il est signé Alvaro de Campos. Et c'est un poème traduit, en effet. C'est un poème en français. Je vais vous le lire en français. Et c'est un très beau poème. On vous écoute. Si tu veux te tuer, pourquoi donc ne veux-tu pas ? Ah, saisis l'occasion, car moi qui aime si fort et la mort et la vie, si j'osais me tuer, je me tuerais aussi. Ah, si tu l'oses, ose donc ! À quoi te sert le tableau successif des images externes que nous appelons le monde ? Le cinématographe des heures représentées par des acteurs aux conventions et aux poses déterminées, le cirque polychrome de notre dynamisme infini. À quoi te sert ton monde intérieur que tu ignores ? Peut-être en te tuant, finirais-tu par te connaître ? Ta fin, peut-être, serait-elle un commencement ? Et de toute façon, si le fait d'être au monde te lasse, ah, lasse-toi noblement. Et ne chante pas la vie comme moi par ivresse, ne salue pas comme moi la mort en littérature. Tu manques à quelqu'un ? Ô ombre futile qu'on appelle les gens. Personne ne manque. Tu ne manques à personne. Sans toi, tout fera son cours sans toi. Peut-être pour autrui, ton existence est-elle pire que ton suicide. Peut-être en durant, es-tu plus à charge qu'en cessant de durer. La peine des autres. Anticiperais-tu sur le remords que t'inspireraient leurs larmes ? Tranquillise-toi. Ils ne te pleureront guère. L'élan vital, peu à peu, apaise les larmes. Lorsqu'elles ne viennent pas de choses qui sont à nous, quand elles viennent de ce qui arrive aux autres, surtout la mort, parce que ces choses après quoi il n'advient plus rien aux autres. En premier lieu, c'est l'angoisse, la surprise de la venue du mystère et du creux que laisse la vie dans les conversations. Puis, l'horreur du cercueil, visible et matériel, et les hommes en noir qui font profession d'être présents. Ensuite, la famille à la veillée, inconsolable et comptant de bonnes histoires, geignant sur le chagrin que ta mort leur inspire. Et toi, simple cause occasionnelle de cette affliction, toi, mort en vérité, bien plus mort que tu ne le soupçonnes, bien plus mort ici même que tu ne le soupçonnes, même si tu es bien vivant, bien plus vivant dans l'au-delà. Ensuite, la retraite tragique vers le caveau ou vers la fosse, et puis le début de la mort de ton souvenir. Il y a d'abord chez tous un soulagement de la tragédie un peu ennuyeuse que fut ta mort. Ensuite, la conversation s'allège quotidiennement et la vie de tous les jours reprend son train-train. Et puis, lentement, c'est l'oubli. On ne se souvient de toi qu'à deux dates anniversaires, celle de ta naissance et celle de ta mort. Rien de plus, absolument rien de plus. Deux fois par an, on pense à toi. Deux fois par an, à ton nom soupirent ceux qui t'ont aimé. Et une fois de temps en temps, ils soupirent si par hasard on prononce ton nom. Regarde-toi à froid. Et à froid, regarde en face ce que nous sommes. Si tu veux te tuer, tue-toi. N'aie pas de scrupules moraux, des craintes cérébrales. Quelle scrupule ou quelle crainte a donc la mécanique de la vie ? Quel scrupule chimique éprouve l'impulsion qui régit les sèves et la circulation du sang et l'amour ? Quel souvenir d'autrui a donc le rythme allègre de la vie ? Ah, pauvre vanité de chair et d'os qui porte le nom d'homme, ne vois-tu pas que ton importance est rigoureusement nulle ? Tu es important pour toi, parce que c'est toi que tu sens. Tu es tout pour toi, parce que pour toi, tu es l'univers. Et l'univers lui-même et les autres satellites de ta subjectivité objective. Tu es important pour toi parce que tu es seul à être important pour toi. Et tu es ainsi, ô mythe, pourquoi les autres ne le seraient-ils pas ? Aurais-tu tel Hamlet, l'effroi de l'inconnu ? Mais qu'est-ce qui est connu ? Qu'est-ce que tu connais, toi, pour appeler inconnu quoi que ce soit spécialement ? Aurais-tu tel Falstaff, l'amour à dix peu de la vie ? Si tu l'aimes ainsi matériellement, aime-la plus matériellement encore. Fais-toi fibre charnelle de la terre et des choses. Disperse-toi, système physico-chimique de cellules nocturnement conscientes parmi la conscience nocturne de l'inconscience des corps, parmi la grande couverture qui ne couvre rien des apparences, parmi l'herbe et le gazon de la prolifération des êtres, parmi le brouillard atomique des choses, parmi les parois tourbillonnantes du vide dynamique de l'univers. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Absolument splendide, oui. Alors, justement, puisqu'on est, vous êtes assez bien parti, j'aimerais vous soumettre à la question, parce que je vois que le temps file, on est presque au bout de cette émission. Et aujourd'hui, 11 avril, c'est le 95e anniversaire de Blandin. Il aurait eu 95 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est un auteur qui a compté pour vous ? Oui, alors Blondin, j'ai écrit il y a un an pile un gros papier dans un hebdomadaire sur, ouais, Blondin. Parmi les hussards, moi, la vérité c'est que je suis pas tant hussard que ça. Je saurais pas le dire, mais Nimi m'emmerde. Déon, paix à son âme, m'emmerde un peu aussi. Et le Laurent est à mon avis un peu au-dessus, et surtout Blondin. Moi, j'ai une sympathie pour Blondin, pour cette espèce de nostalgie, de tristesse d'enfant battu. Mais après, Blondin, je pense qu'il y a quand même un sérieux gâchis, quoi. Oui, oui, absolument. Il y a un sérieux gâchis. Il a sombré dans une ivresse radicale à la mort de Nimier. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, capacités... il est vrai qu'il y a, chez Blondin. Dans le vin triste. Dans le vin triste, ouais, dans le vin destructeur. Je pense que chez Blondin, il y aurait toute une. Il y aurait un autre Blondin aujourd'hui à. On a fait de Blondin en fait un léger, on a fait de Blondin quelqu'un de... En fait, Blondin n'est pas un léger du tout, c'est les circonstances qui l'ont rendu léger. C'est-à-dire que Blondin est quelqu'un qui a cru en la politique, ça on l'oublie souvent, mais Blondin avant 45 a écrit dans des revues évidemment assez peu recommandables, mais il disait exactement l'inverse de ce qu'il a dit après. C'est-à-dire que Blondin pensait que la littérature devait être au service de la politique, et Blondin c'est un vaincu qui à un moment donné se réfugie dans la légèreté parce qu'il n'a pas le choix en vérité, parce qu'en face il y a Sartre, parce qu'en face il y a des gens qui ont pris le pouvoir, quoi. Et du coup il y a une malédiction de Blondin, il y a une légèreté en vérité qui n'est pas ce qu'il est fondamentalement, et je pense qu'il sombre, Blondin sombre à un moment donné. Mais toute cette frivolité cache une gravité, justement, elle cache, en tout cas chez Blondin, elle cache une gravité réelle, et il faut reconnaître qu'il y a des livres qui restent extrêmement touchants. Monsieur Jadis, bien entendu, mais par cette, justement, par, à mon avis, par cette, comment dire, par ce qui derrière la légèreté, en fait, et Blondin, pour moi, c'est un tragique, voilà, c'est un vrai tragique. Ouais. Et donc vous n'avez pas fait de tauromachie sur le boulevard Saint-Germain en suivant l'exemple non, du Saint-Jean-Hiver? Mais par contre, j'ai participé avec des camarades, et Théo le rappelait tout à l'heure, on se connaît de longue date. Y aura-t-il pas une histoire de planche à repasser là-dedans? Il y a une histoire de planche à repasser, mais c'était pas au même endroit. Mais disons que quand on allait à l'époque chez Camp de Bordes, il y avait effectivement des gens qui... après quelques verres, aller torer les voitures qui passaient à côté, ce qui était évidemment beau, et ce qui était ce que les touristes attablés au café de l'éditeur en face ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Mais il y avait un café qui s'appelle l'éditeur est assez qui était anciennement la taverne alsacienne. Allez, bon, il resterait énormément de questions à vous poser, Olivier. Malheureusement, mes amis, l'émission touche à sa fin. Et d'ailleurs, je noterai que les serveuses merveilleuses qui nous servaient le vin tout à l'heure sont parties après la récitation du poème. Est-ce qu'elles ressemblaient à Cécile, la belle vigneronne? Elles sont allées mettre des tenues plus confortables, je crois. Mais j'avais prévenu que le poème mettrait un froid dans l'ambiance. Elles étaient cinq. Nous allons rester justement sur ce poème. Je pense que c'est la plus belle des choses, car malheureusement les mots à la bouche touchent à leur fin, et il est temps pour certains de retourner à l'eau plate du quotidien. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle le titre du dernier ouvrage d'Olivier Molin, La fête est finie, paru aux éditions de Noël. Merci beaucoup Olivier, ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Bravo pour le vin. Merci Olivier, François, merci Théo. Merci également à Mathieu et à Erwan qui se sont improvisés et au pied levé, régisseurs son de la soirée. Ils s'en sont très bien tirés. Je remercie également notre public qui est venu en nombre ce soir. Merci à Nathalie aussi qui était là. Merci à Nathalie, absolument. Merci Nat. Et ce public a encore faim, mais il n'a plus soif, ce qui compense. Et enfin, je vous rappelle que l'on se retrouve dans 2 semaines, mais que d'ici là, vous pourrez écouter nos lectures avec entre autres la fin du récit de Romain Alexandre Pneuma, ainsi que la lecture complète des Lumières du Ciel, un roman de notre invité du soir. À demain! Les mots à la bouche. Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qui ont toujours fait verre à part. Ceux qui tutoient les anges. Les mots à la bouche.